Maintenant, je voudrais revenir à ces verbes que j'appelle porte-manteau. Après ces verbes, vous devez utiliser la forme de l'infinitif. Par exemple, après « pouvoir », un verbe porte-manteau très important, vous emploierez l'infinitif, comme en français d'ailleurs. Alors comment direz-vous « je peux le faire » ? Ich kann es tun. Ich kann es tun. Et je ne peux pas le faire. Ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht tun. Et pouvez-vous le faire? Können Sie es tun? Bien. Können Sie es tun? Comment diriez-vous pourquoi ne pouvez-vous pas le faire? Warum können Sie nicht es tun? Oui, warum können Sie nicht es tun signifie bien pourquoi ne pouvez-vous pas le faire. Mais en plaçant nicht devant le pronom es, vous insistez sur la négation du es. En d'autres termes, si vous dites warum können Sie nicht es tun, vous laissez entendre pourquoi cela ne pouvez-vous pas le faire? Si vous ne voulez pas insister, alors vous placez « nicht » devant l'infinitif. Donc, comment diriez-vous, sans insister particulièrement, pourquoi ne pouvez-vous pas le faire? Warum können Sie es nicht tun? Bien. Warum können Sie es nicht tun? Et maintenant, comment direz-vous, pourquoi ne pouvez-vous pas le faire maintenant? Warum können Sie es nicht tun? Warum können Sie es jetzt nicht tun? Bien. Warum können Sie es jetzt nicht tun? Vous pouvez aussi dire Warum können Sie es nicht jetzt tun? Ce qui conduit à insister davantage sur jetzt, maintenant. On peut mettre jetzt où on veut dès lors que l'infinitif est placé à la fin. Et maintenant, comment diriez-vous « je n'arrive pas à le trouver »,« je ne sais pas où c'est ». Commençons par « je n'arrive pas à le trouver », c'est-à-dire « je ne peux pas le trouver ». « Ich kann es nicht finden ». Bien, « ich kann es nicht finden », je ne sais pas où c'est. « Ich weiß nicht, wo es ist ». Bien, « ich weiß nicht, wo es ist », donc « ich kann es nicht finden ». À l'oral, vous pouvez contracter « ich kann es nicht finden » en « ich kann's ».« Ich kann's nicht finden ». Au lieu de « ich kann es », on peut donc dire à l'oral « ich kann's ». Même si vous n'employez pas cette forme, il est important que vous la connaissiez pour comprendre quand quelqu'un dit « ich kann's nicht ».« Ich kann's nicht finden ». Ich kann's nicht sehen. Je ne peux pas voir cela, etc. Comment diriez-vous il ne peut pas comprendre cela? Er kann's nicht verstehen. Er kann's nicht verstehen. Ou er kann es nicht verstehen. Il ne peut pas me comprendre. Ich kann. Er kann. Er kann mich nicht verstehen. Bien. Er kann mich nicht verstehen. Et pourquoi ne pouvez-vous pas me comprendre? Warum können Sie mich nicht verstehen? Bien. Warum können Sie mich nicht verstehen? Comment diriez-vous je vous le dirai plus tard? Je vais vous le dire plus tard. Ich werde es Ihnen Ihnen. Ihnen. Oui, Ihnen. Ihnen. Donc, je vais vous le dire plus tard. Ich werde es Ihnen später sagen. Très bien. Ich werde es Ihnen später sagen.